Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il vantait les conquêtes de la science. Il avait pris parti contre les traditionnelles ténèbres de la philosophie et de la religion. Il dénonçait les contraintes où l'on enferme l'esprit humain au nom de l'esprit divin. Les conquêtes de la science. Ainsi, quitter la Terre, voyager dans la Lune et dans le Soleil. Après tout, Cyrano de Bergerac n'avait pas attendu Armstrong et la NASA pour atteindre la Lune. Autre conquête de la science, par Cyrano de Bergerac, ou pour ses personnages, la miraculeuse machine qui fait parler les livres, et ce, au XVIIe siècle. Cyrano de Bergerac. Un nez, certes, mais ce nez est assez célèbre pour que l'on n'en parle pas. Rostand, bien plus tard, saura le célébrer. Cyrano de Bergerac, gentleman gascon, ou gentilhomme gascon, grand écrivain, en tout cas. Et rien ne vaut la fable pour cacher ce que l'on a à dire de subversif. Anthologie française, première diffusion sur la chaîne nationale, le 23 mai 1958. Anthologie française. La radiodiffusion française présente Cyrano de Bergerac, une émission de Georges Ribemont de Seigne, avec le concours de François Darbon, Jacques Mancier, Jean Topard et Nelly Delmas. Prise de son Pierre Planès, assistant René Raymond. Réalisation Georges Gravier. Je suis prête à vous entendre, et puisque Cyrano vous est si cher, parlez-moi donc de lui. Non. Laissons-le parler lui-même, voulez-vous ? Voici un livre que je vous laisse. Je l'apportais jadis de mon pays natal. Il est intitulé « Les États et Empires du Soleil », avec une addition de l'histoire de l'étincelle. Je vous donne encore celui-ci, que j'estime beaucoup davantage. C'est le grand œuvre des philosophes qu'un des plus forts esprits du Soleil a composé. Il prouve là-dedans que toutes choses sont vraies et déclare la façon d'unir physiquement les vérités de chaque contradictoire, comme par exemple que le blanc est noir et que le noir est blanc, qu'on peut être et ne pas être en même temps, qu'il peut y avoir une montagne sans vallée, que le néant est quelque chose et que toutes les choses qui sont ne sont point. Mais... Oh, je vous en prie, passez. Vous nous aviez promis une intelligente merveille et... Vous parlez. Mais écoutez la suite. Mais à peine fut-il sorti que je me mis à considérer attentivement mes livres et leurs boîtes, c'est-à-dire leurs couvertures, qui me semblaient admirables pour leur richesse. L'une était taillée d'un seul diamant, sans comparaison plus brillant que les nôtres. La seconde ne paraissait qu'une monstrueuse perle fendue en deux. Mon démon avait traduit ses livres en langage de ce monde-là, mais parce que je n'en ai point de leur imprimerie, je m'en vais expliquer la façon de ces deux volumes. Y arrivons-nous enfin ? À l'ouverture de la boîte, je trouvais dedans un je ne sais quoi de métal, presque semblable à nos horloges, plein de je ne sais quelques petits ressorts et de machines imperceptibles. C'est un livre à la vérité, mais c'est un livre où pour apprendre les yeux sont inutiles. On n'a besoin que des oreilles. Quand quelqu'un dont souhaite lire, il bande avec grande quantité de toutes sortes de petits nerfs cette machine, puis il tourne l'aiguille sur le chapitre qu'il désire écouter, et au même temps, il en sort, comme de la bouche d'un homme ou d'un instrument de musique, tous les sons distincts et différents qui servent, entre les grands lunaires, à l'expression du langage. Nous y voici donc. En somme, à quoi voulait-il en venir, votre Cyrano de Bergerac? À une machine parlante? Mais il y a longtemps que cela existe. L'ingénu. Oui, la machine parlante existe. Et je ne crois pas exagérer en disant qu'on en connaît diverses sortes. Et que si vous entendez aujourd'hui des voix parler de Cyrano de Bergerac, cela aussi se doit à une machine parlante. Mais il faut bien se rendre compte que le texte par lequel notre auteur décrit la première de ces boîtes merveilleuses, dans son voyage aux États et empires de la Lune, a plus de 300 ans d'existence. Vous admettrez que le phonographe ou l'électrophone et le poste de radio ne doivent rien au merveilleux. Ce sont fruits de la raison. Rien n'est merveilleux et tout est merveilleux. La raison humaine aussi est quelque chose de merveilleux. Mais plus encore, l'intuition poétique comme celle de Cyrano, alors que vous-même, belle créature à cervelle, vous ne voyez plus que cendres, là où votre logique a fait passer son feu. Mais croyez-vous donc aussi insensible? Songez à ce je ne sais quoi de métal, aux petits ressorts, aux machines imperceptibles et à toutes ces sortes de petits nerfs. N'était-ce pas insensé de songer à cela aux environs de l'an 1650, alors que l'autorité religieuse veillait jalousement et parfois encore sauvagement sur l'intégrité de la création divine en face de l'invention humaine? Glissez, glissez, n'appuyez pas. Écoutez. Écoutez et dites-moi si la fantaisie de Cyrano ne vole pas sur les ailes du temps. Lorsque j'ai depuis réfléchi sur cette miraculeuse invention de faire des livres, je ne m'étonne plus de voir que les jeunes hommes de ce pays-là possédaient plus de connaissances à 16 et 18 ans que les barbes grises du nôtre. Car sachant lire aussitôt que parler, ils ne sont jamais sans lecture. À la chambre, à la promenade, en ville, en voyage, ils peuvent avoir, dans la poche ou pendue à la ceinture, une trentaine de ces livres, dont ils n'ont qu'à bander un ressort pour ouïr un chapitre seulement, ou bien plusieurs, s'ils sont en humeur d'écouter tout un livre. Ainsi, vous avez éternellement autour de vous tous les grands hommes, et morts et vivants, qui vous entretiennent de vive voix. Mais laissons cela. Il n'est pas question de faire de Cyrano de Bergerac un homme de science, un inventeur d'instruments réels qui serviront à faire la fortune d'industriels en entrant dans le circuit économique, comme on dit, ou en bouleversant plus ou moins les mœurs. Ces inventions ont ceci de précieux qu'elles demeurent toujours l'image poétique prémonitoire de ses futurs arguments économiques. Les différentes formes de sa machine à voler susceptibles de l'emporter dans la Lune, puis dans le Soleil, n'ont certes pas fait faire un pas à l'aviation. Mais elles ont illuminé la fantaisie humaine, toujours en quête d'une évasion hors du terrestre, où, ma foi, l'obscurantisme des puissances du jour rend l'existence sordide. De même, les exercices en apparence philosophique auxquels notre rêveur se livre lorsqu'il décrit les mœurs et les habitudes des gens de la Lune et du Soleil n'ont pas fait progresser les facultés du raisonnement humain, mais elles ont ouvert toutes grandes les perspectives de l'appétit de liberté, en même temps qu'elles ridiculisaient certaines coutumes collectives ou individuelles de la créature terrestre. Eh bien, soit, parlons de Cyrano. Cyrano de Bergerac, gentilhomme gascon, mousquetaire de la compagnie de Monsieur de Casteljaloux, duelliste enragé, brave combattant sous le feu de l'ennemi, amoureux des femmes, mais doué d'un nez, d'un nez tel que, enfin, tout le monde sait qui est Cyrano de Bergerac. Au contraire, il est peu de personnes qui sachent qui est Cyrano. À son sujet, il est difficile de séparer le vrai du légendaire. Et presque tout est affaire de rumeurs, de racontars, de déductions. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'était pas gascon. Il n'avait pas l'accent du Périgord? Oh, quel dommage! Son père était Abel de Cyrano, écuyer, sieur de Mauvières, et sa mère se nommait Espérance de Bélanger. Lui-même, Savinien de Cyrano, est né en 1619 et a été baptisé en la paroisse de Saint-Sauveur à Paris. Que vient faire Bergerac dans tout cela? Bergerac, c'est le nom d'une ferme, Bergerac ou Souforet, qui appartenait à Abel de Cyrano, un petit fief situé sur les bords de l'Yvette en face de Chevreuse. Quant au château de Mauvières et à son moulin, il se trouve dans le voisinage, où on peut les voir encore. Tout de même, ces Cyrano étaient gentilshommes. Si vous voulez dire qu'ils étaient nobles, vous vous trompez. Dans la famille, on a essayé de le faire croire, mal en pris aux ambitieux, qui furent condamnés à une amende. Mais on peut être notable bourgeois sans être noble. Et puis qu'importe que ce grand et vivant esprit fût noble ou bourgeois, qu'il ne fût pas du Périgord comme l'a prétendu le bibliophile Jacob, et après lui Edmond Rostand. Qu'est-ce que tout cela apporte à sa gloire? En est-elle diminuée? La publicité en cours au XXe siècle est autre. Il est vrai que déjà au XVIIe, on ne manquait pas d'y recourir quand l'occasion s'en présentait. Savez-vous ce qu'écrit l'éditeur Charles de Cercy en 1662, sept années après la mort de Savinien? Monsieur de Cyrano, paru comme un Alexandre reproduit en ce siècle, par un miracle surprenant. Publicité de grand siècle. Mais on croirait que vous voulez par là décrier ce que vous avez mission de louer. Parlez-moi donc de Cyrano, cet Alexandre au long nez d'amoureux transi. Il me faut pourtant bien avouer que Savinien de Cyrano n'apparaît sous les traits de l'amoureux que vous dites que dans la pièce d'Edmond Rostand. Quoi ? Il n'aimait pas les femmes ? L'ai-je dit ? Il en parle peu. Et de l'amour chez lui, il n'est guère question que vers la fin de son voyage dans le soleil. Et il en parle sans beaucoup de romantisme, mais avec une précision dont il n'y a d'ailleurs aucune raison de rougir. Avouons-le, le marivaudage n'est pas son fort, bien qu'il ait écrit des lettres amoureuses. Elles n'étaient adressées à personne. Passe-temps d'homme qui écrit pour le plaisir d'écrire. Ainsi, on ne lui connaît aucune passion qui aurait servi à Edmond Rostand de prétexte à écrire. Il fréquentait particulièrement les tavernes durant tout un temps et les mauvais lieux. Et là, si vous voulez le savoir, Vénus le blessa assez cruellement pour qu'il lui tînt rigueur de façon durable. Oh, passons, voulez-vous. Parlez-moi plutôt de son nez. Vous tenez à son portrait. Le voici tel que le trace son ancien ami d'Assoucy, avec lequel il s'était brouillé. Bergerac n'était ni de la nature des Lapons, ni de celle des géants. Sa tête paraissait presque veuve de cheveux, on les eût comptés de 10 pas. Ses yeux se perdaient sous ses sourcils. Ses jambes, brouillées avec la chair, figuraient des fuseaux. Son ésophage pagotait un peu, son estomac était une copie de la bedaine ésopique. Il n'est pas vrai qu'il fût malpropre, mais il est vrai que ses souliers aimaient fort Madame Laboux. Il ne se quittait presque jamais. Le voilà bien mal arrangé. Mais auparavant, il avait traité Soucidas, pseudonyme de Dassoucy, de Gall aux fesses de la nature. De bougre qu'on doute en le voyant si sa mère n'a point accouché de lui par le... Je vous prie de me parler de son nez. Mais ma chère, ce nez est assez célèbre pour qu'on n'en parle plus. Vous savez bien que Briochet, le montreur de marionnettes, avait dressé son singe fagotin à imiter Cyrano sous ses dehors de bretteur émérite. Et les spectateurs interpellaient l'animal. Est-ce là votre nez de tous les jours? Quel diable de nez! Prenez la peine de reculer, il m'empêche de voir. Et ce pauvre nez ne tenait pas seulement sa disgrâce de la nature trop généreuse. Au cours de rencontres sur le pré, main coup d'épée cherchait à l'atteindre d'une estafilade dont la cicatrice demeurait visible, si peu que ce fût. Ce n'est pas là une chirurgie esthétique qui de nos jours serait prisée. Le pauvre homme. Non, assez de ciraillerie. La mémoire de Cyrano est d'ailleurs au-dessus de leur mauvais goût. Elle a ses défenseurs, surtout en la personne de son ami, son ancien condisciple, entré dans les ordres par la suite. C'est Lebray, l'excellent, le fidèle, le cher... L'inviolable ami Lebray. Écoutez comme il parle de ce débauché, de ce buveur, de ce joueur, de ce libertin, de cet athée. Il ne buvait du vin que rarement, à cause, disait-il, que son excès abrutit, et qu'il fallait être autant sur la précaution à cet égard que de l'arsenic. Il n'était pas moins modéré dans son manger, dont il bannissait les ragoûts tant qu'il pouvait, dans la croyance que le plus simple vivre et le moins mixtionné était le meilleur. Il accompagnait ces deux qualités d'une si grande retenue envers le beau sexe qu'on peut dire qu'il n'est jamais sorti du respect que le nôtre lui doit. Arrêtez ! Comment peut-on ainsi dire une chose et puis une autre qui lui est contraire ? Qu'est-ce donc ce Cyrano qui est à la fois coureur, joueur, coureur de taverne, sobre, abstinent, réservé, respectueux et tout ? Je vous l'ai dit, de lui on ne sait que ce qu'en ont dit ses ennemis et ses amis et ce qui, ayant été les uns, sont devenus les autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a aussi longtemps qu'il l'a pu vécu en amant de la liberté, de la libre raison, de la libre poésie. Bien sûr, son inviolable ami Lebray, comme il faut l'appeler, a tenu à le présenter à la postérité comme un modèle des vertus, il l'a fait mourir repentant et muni des sacrements de l'Église. La vérité, laissons dans l'ombre ces détails faits de trop belles et néfastes compromissions. Lebray voulait sauver l'âme de son ami par n'importe quel moyen. Eh bien, oublions ce salut problématique et ne songeons qu'à rendre la vie à la poésie, à la fantaisie, au génie de Savinien de Cyrano, auteur de l'autre monde, c'est-à-dire de ce récit plus connu sous le titre de Voyage dans la Lune et dans le Soleil. En voici le début. La lune était dans son plein, le ciel était découvert, et 9 heures du soir étaient sonnées lorsque, revenant de Clamart, près Paris, où M. de Cuigy, le fils qui est seigneur, nous avait régalé, plusieurs de mes amis et moi, les diverses pensées que nous donna cette boule de safran nous défrayèrent sur le chemin. de sorte que les yeux noyés dans ce grand astre, tantôt l'un le prenait pour une lucarne du ciel, par où l'on entrevoyait la gloire des bienheureux, tantôt un autre, persuadé des fables anciennes, s'imaginait que possible Bacchus tenait taverne là-haut au ciel et qu'il y avait pendu pour enseigne la pleine lune, tantôt un autre assurait que c'était la platine où Diane dresse les rabats d'Apollon, un autre que ce pouvait bien être le soleil lui-même qui, s'étant au soir dépouillé de ses rayons, regardait par un trou ce qu'on faisait au monde quand il n'y était pas. Et moi, leur dis-je, qui souhaite mêler mes enthousiasmes aux vôtres, je crois, sans m'amuser aux imaginations pointues dont vous chatouillez le temps pour le faire marcher plus vite, que la lune est un monde comme celui-ci, à qui le nôtre sert de lune. Quelques-uns de la compagnie me régalèrent d'un grand éclat de rire. Ainsi, peut-être, leur dis-je, se moque-t-on maintenant dans la lune de quelque autre qui soutient que ce globe-ci est un monde. Mais j'eus beau alléguer que Pythagore, Épicure, Démocrite et, de notre âge, Copernic et Kepler avaient été de cette opinion, je ne les obligeais qu'à rire de plus belle. Tel est le point de départ. La lune est un monde, et pour la lune, la Terre n'est qu'une lune. Encore faut-il aller dans la lune pour voir ce qui s'y passe. C'est ce que fait Cyrano grâce à sa machine, qu'il fabrique en secret, dans une maison de campagne écartée. J'avais attaché autour de moi quantité de fioles, pleines de rosées, sur lesquelles le soleil dardait ses rayons si violemment que la chaleur, les attirant comme elle fait des plus grosses nuées, m'éleva si haut qu'enfin je me trouvais au-dessus de la moyenne région. Mais, comme cette attraction me faisait monter avec trop de rapidité, et qu'au lieu de m'approcher de la lune comme je prétendais, elle me paraissait plus éloignée qu'à mon partement, je cassai plusieurs de mes fioles, jusqu'à ce que je sentis que ma pesanteur surmontait l'attraction et que je redescendais vers la terre. Mon opinion ne fut point fausse, car j'y retombais quelque temps après. L'affaire semblait manquer. Cependant, elle rebondit quand des soldats, ayant découvert la machine et son grand ressort, ont l'idée de la transformer en dragon de feu, en la munissant de fusées volantes, chargées de poudre, et d'y mettre la flamme. Et Cyrano, craignant la catastrophe, se jette sur sa machine. Trop tard, elle s'embrase. À peine y eus-je les pieds, que me voilà enlevé dans la nue. L'horreur dont je fus consterné ne renversa point tellement les facultés de mon âme que je ne me sois souvenu depuis de tout ce qui m'arriva en cet instant. Car, dès que la flamme eut dévoré un rang de fusées qu'on avait disposé 6 à 6 par le moyen d'une amorce qui bordait chaque demi-douzaine, un autre étage s'embrasait, puis un autre, en sorte que le salpêtre prenant feu éloignait le péril en le croissant. Cependant, la poudre cessant de brûler par épuisement, la machine retomba sur la terre. Au contraire, son passager continua sa trajectoire dans l'espace, comme cela se passerait aujourd'hui en ce milieu du XXe siècle, lorsqu'une fusée projette, comme on dit, un satellite artificiel. J'aperçus ma chair boursouflée, et grasse encore de la moelle dont je m'étais enduit pour les meurtrissures de mon truchement. Je connus qu'étant alors en décours, et la lune pendant ce quartier ayant accoutumé de sucer la moelle des animaux, elle buvait celle dont je m'étais enduit, avec d'autant plus de force que son globe était plus proche de moi et que l'interposition des nuées n'en affaiblissait la vigueur. Et notre voyageur tombe sur la lune en un lieu si merveilleux qu'il lui apparaît comme un paradis terrestre. Là, de tous côtés, les fleurs, sans avoir eu d'autres jardiniers que la nature, respirent une haleine si douce, quoique sauvage, qu'elle réveille et satisfait l'odorat. Là, l'incarnat d'une rose sur les glantiers et l'azur éclatant d'une violette sous les ronces ne laissent point de liberté pour le choix, font juger qu'elles sont toutes plus belles l'une que l'autre. Là, le printemps compose toutes les saisons. Là, ne germe point de plantes vénéneuses que sa naissance ne trahisse sa conversation. Là, les ruisseaux, par un agréable murmure, racontent leur voyage aux cailloux. Là, 1000 petits gosiers emplumés font retentir la forêt au bruit de leurs mélodieuses chansons. Et la trémoussante assemblée de ces divins musiciens est si générale qu'il semble que chaque feuille dans le bois ait pris la langue et la figure d'un rossignol. Et même l'écho prend tant de plaisir à leurs airs qu'on dirait aller lui entendre répéter qu'il ait envie de les apprendre. Que tout cela est beau et doux et sans amertume. Qui pourrait supposer que ce client des tavernes avait une telle connaissance de la nature? Alors il n'était pas question de l'absurdité du monde, ni de l'angoisse du néant. Cyrano a aimé ce qu'il faisait. Il a été un brave militaire, ma chère, blessé 2 fois en des circonstances mémorables et si cruellement qu'il en souffrit toute sa vie. Il s'est battu en duel maintes et maintes fois, servant de témoin pour assister ses amis et ne reculant pas devant le nombre. Enfin, il était ce qu'on appelle un brave homme. À la vérité, il aimait se battre. C'était sa passion. et en même temps il était féru de connaissances nouvelles et de discussions philosophiques. Mais que peut-on en conclure? Qui peut dire ce qu'était exactement Cyrano? Qui peut dire ce qu'est un homme? Est-ce qu'on sait ce qu'est la vie? Vous avez raison. Et puis, il n'était peut-être pas si laid qu'on le dit. Il suffit qu'on l'aime pour le trouver beau. Bien sûr, l'amour... Lui, il aimait la vie. Il avait ses démêlés avec elle, mais il la trouvait belle. Et c'est à cause de cet amour qu'il pourfendait les imbéciles, les hypocrites, les exploiteurs. De là aussi vient la diversité de sa verve, pour ce qui est beau et contre ce qui est laid. Il écrivait des lettres fictives, adressées à tous et à personne. Et toutes fournissent la preuve de son exaltation sensible ou satirique. Écoutez cette lettre sur l'ombre des arbres dans l'eau. Monsieur, le ventre couché sur le gazon d'une rivière et le dos étendu sous les branches d'un saule qui se mire dedans, je vois renouveler aux arbres l'histoire de Narcisse. Sans peupliers, précipitent dans l'onde, sans autres peupliers. Et ces aquatiques ont été tellement épouvantés de leur chute qu'ils tremblent encore tous les jours du vent qui ne les touche pas. Je m'imagine que la nuit ayant noirci toutes choses, le soleil les plonge dans l'eau pour les laver. Mais que dirais-je de ce miroir fluide, de ce petit monde renversé qui place les chênes au-dessous de la mousse et le ciel plus bas que les chênes? Ne sont-ce point de ces vierges de jadis, métamorphosées en arbres, qui, désespérées de sentir encore violer leur pudeur par les baisers d'Apollon, se précipitent dans le fleuve, la tête en bas? Cyrano a pris parti dans la vie, dans cette vie qu'il aime. Il a pris parti contre les traditionnelles ténèbres de la philosophie et de la religion, contre les contraintes où l'on enferme l'esprit humain au nom de l'esprit divin. Il vante les découvertes de la science, les conquêtes de la raison. Revenu de la guerre, dégoûté des combats, il est devenu le disciple de Gassendi, le célèbre homme de science que François L'Huillier a fait venir à Paris comme maître S-savoir de son fils naturel, connu depuis sous le nom de Chapelle. Or, Gassendi est un de ces libertins, de ces athées, de ces réprouvés dont beaucoup, il n'y avait pas si longtemps, avaient été conduits au bûcher ou y avaient échappé en s'expatriant. Cyrano tenait à la liberté de sa parole, et rien ne vaut la fable pour cacher ce que l'on a à dire de subversif. La lune et le soleil sont des endroits favorables à la libre expression, à la discussion philosophique. Leurs habitants peuvent à la fois singer et critiquer les hommes. De la confrontation des idées entre le visiteur terrien et les autochtones séléniens ou solaires, surgissent mille débats qui permettent à Cyrano, ou à son pseudonyme d'Hircona, de donner libre cours à sa fantaisie ou à l'intuition qu'il a des progrès futurs de la connaissance. Écoutez-le, alors que réduit à l'état de singe qu'on montre en public sur la Lune, par des gens qui sont eux-mêmes des sortes de singes, il décrit le langage dont use le peuple. Certains voudront bien y reconnaître cette extraordinaire communion qu'on se donne dans les caves où le rock'n'roll est roi. Le second qui est en usage chez le peuple s'exécute par le trémoussement des membres. Mais non pas peut-être comme on se le figure, car certaines parties du corps signifient un discours tout entier. L'agitation par exemple d'un doigt, d'une main, d'une oreille, d'une lèvre, d'un bras, d'un œil, d'une joue, feront chacun en particulier une oraison ou une période avec tous ses membres. D'autres ne servent qu'à désigner des mots, comme un pli sur le front, les divers frissonnements des muscles, les renversements des mains, les battements des pieds, les contorsions de bras. De sorte que, quand ils parlent, avec la coutume qu'ils ont prise d'aller tout nu, leurs membres, accoutumés à gesticuler leur conception, se remuent si dru qu'ils ne semblent pas d'un homme qui parle, mais d'un corps qui tremble. Comment Cyrano n'aurait-il pas fini par s'entendre avec ces mi-singes, mi-démons, aux coutumes singulières? Il souffre de la faim? On lui offre des odeurs. Je ne sais comment mon guide, qui me demanda comment et par où je voulais commencer, put tirer de moi ces deux mots, un potage. Mais je les eus à peine proférés que je sentis l'odeur du plus succulent mitonné qui frappe à jamais le nez du mauvais riche. Je voulus me lever de ma place pour chercher à la piste la source de cette agréable fumée, mais mon porteur m'en empêcha. « Où voulez-vous aller ?» me dit-il. « Nous irons tantôt à la promenade, mais maintenant, il est saison de manger. Achevez votre potage, et puis nous ferons venir autre chose. »« Et où diable est ce potage ? lui répondis-je presque en colère. Avez-vous fait gageure de vous moquer de moi tout aujourd'hui? Je pensais, me répliqua-t-il, que vous eussiez vu à la ville d'où nous venons, votre maître ou quelque autre, prendre ses repas. C'est pourquoi je ne vous avais point dit de quelle façon on se nourrit ici. Puis donc, que vous l'ignorez encore, sachez que l'on n'y vit que de fumée. L'art de cuisinerie est de renfermer dans de grands vaisseaux moulés exprès l'exhalaison qui sort des viandes en les cuisinant. Et quand on en a ramassé de plusieurs sortes et de différents goûts, selon l'appétit de ceux que l'on traite, on débouche le vaisseau où cette odeur est assemblée, on en découvre après cela un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la compagnie soit repue. À moins que vous n'ayez déjà vécu de cette sorte, vous ne croiriez jamais que le nez, sans dents et sans gosier, fasse pour nourrir l'homme l'office de la bouche. Mais je vous le veux faire voir par expérience. Cela prouve que les lunatiques ont la gourmandise distinguée. Plus que vous ne le croyez. Savez-vous, lorsqu'on a pris un repas d'odeur de fumée, comment on paie son écho? Je vous écoute. On acquitte sa dette en offrant des verres. Heureuse lune où l'on se paye de rimes. Sans doute. Mais écoutez, Cyrano. Plût à Dieu, lui dis-je, que cela fût de même en notre monde. J'y conçois beaucoup d'honnêtes poètes qui meurent de faim et qui feraient bonne chère si on payait les traiteurs en cette monnaie. Ce n'est qu'une boutade, sans doute, mais il en est d'autres plus dures et plus précises. Car après une discussion sur la nature des éléments, cité en justice devant un tribunal de la Lune, à cause de ses opinions humaines et terrestres, et sommé de récuser et de condamner la Terre, publiquement, « Peuple, je vous déclare publiquement que cette lune-ci n'est pas une lune, mais un monde, et que ce monde là-bas n'est pas un monde, mais une lune. Tel est ce que les prêtres trouvent bon que vous croyez. » La captivité de Cyrano aux mains des autorités de la lune s'est adoucie, et il lui est permis de philosopher avec ses hôtes dans ce monde renversé. Les voilà discourant sur l'éternité. Je dis donc que le premier obstacle qui nous arrête, c'est l'éternité du monde. Et l'esprit des hommes n'étant pas assez fort pour la concevoir, et ne pouvant non plus imaginer que ce grand univers, si beau, si bien réglé, puisse être fait soi-même, ils ont eu recours à la création. Mais semblable à celui qui s'enfoncerait dans la rivière de peur d'être mouillé par la pluie, ils se sauvent des bras d'un nain à la miséricorde d'un géant. Encore ne s'en sauvent-ils pas? Car cette éternité qu'ils ôtent au monde, pour ne l'avoir pu comprendre, ils la donnent à Dieu, comme s'il avait besoin de ce présent, et comme s'il était plus aisé de l'imaginer dans l'un que dans l'autre. Cette absurdité, donc, ou ce géant duquel j'ai parlé, est la création. Car dites-moi, en vérité, a-t-on jamais conçu comment, de rien, il se peut faire quelque chose? Hélas, entre rien et un atome seulement, il y a des proportions tellement infinies que la cervelle la plus aiguë n'y saurait pénétrer. Il faudra, pour échapper à ce labyrinthe inexplicable, que vous admettiez une matière éternelle avec Dieu. Et alors, il ne sera plus besoin d'admettre un Dieu, puisque le monde aurait pu être sans lui. Mais, me direz-vous, quand je vous accorderai la matière éternelle, comment ce chaos s'est-il arrangé de soi-même? Ah, je vous le vais expliquer. Et Cyrano expose, dans la bouche de son hôte, une conception atomiste de l'univers qui, pour magnifiquement fantaisiste et pleine d'humour qu'elle soit, n'en est pas moins étonnamment présente dans son union imagée de la réalité courante et de la construction physique de la matière. Et par-dessus le marché intervient une théorie des cinq sens, lesquels servent à la connaissance de l'univers. La vue. Elle se fait donc à ce que j'imagine, quand les tuniques de l'œil, dont les pertuis sont semblables à ceux du verre, transmettent cette poussière de feu qu'on appelle rayon visuel, et qu'elle est arrêtée par quelque matière opaquée qui la fait rejaillir chez soi, car alors, rencontrant en chemin l'image de l'objet qui l'a repoussée, et cette image n'étant qu'un nombre infini de petits corps qui s'exhalent continuellement en égale superficie du sujet regardé, elle la pousse jusqu'à notre œil. Louis, l'opération n'est pas plus malaisée à concevoir. Et pour être plus succinct, considérons-la seulement dans l'harmonie d'un luth touché par les mains d'un maître de l'art. Vous me demanderez comment il se peut faire que j'aperçoive si loin de moi une chose que je ne vois point. Est-ce qu'il sort de mes oreilles une éponge qui boit cette musique pour me la rapporter? Ou ce joueur engendre-t-il dans ma tête un autre petit joueur avec un petit luth qui ait l'ordre de me chanter comme un écho les mêmes airs? Non. Mais ce miracle procède de ce que la corde tirée, venant à frapper des petits corps dont l'air est composé, elle le chasse dans mon cerveau, le perçant doucement de ses petits riens corporels, et, selon que la corde est bandée, le son est haut à cause qu'elle pousse les atomes plus vigoureusement, et l'organe ainsi pénétré en fournit à la fantaisie de quoi faire son tableau. Après ces diverses interprétations de la théorie atomique déjà chère à Épicure, Démocrite et quelques autres, voulez-vous un intermède à présent? Savez-vous comment on connaît l'heure, là-haut? J'ai demandé plusieurs fois parmi les rues quelle heure il était. Mais on ne m'a répondu qu'en ouvrant la bouche, serrant les dents et tournant le visage de travers. Quoi? S'écria toute la compagnie. Vous ne savez pas que par là, ils vous montraient l'heure? Par ma foi, répartis-je. Ils avaient beau exposer leur grand nez au soleil avant que je l'apprisse. C'est une commodité, me dirent-ils, qui leur sert à se passer d'horloge. Car, de leurs dents, ils font un cadran si juste qu'alors qu'ils veulent instruire quelqu'un de l'heure, ils ouvrent leurs lèvres. Et l'ombre de ce nez qui vient tomber dessus leurs dents marque comme un cadran celle dont le curieux est en peine. Voilà qui n'est pas fort sérieux, il me semble. Et pourquoi le sérieux serait-il préférable au plaisant et au risible? Jamais Cyrano n'est sérieux au sens où vous l'entendez. Mais croyez-moi, ma chère, en ces choses plaisantes, il a plus de profondeur que vous n'en pouvez mettre dans vos moments de réflexion et d'intelligence, comme on dit. Écoutez ceci. Il me reste à prouver qu'il y a des mondes infinis dans un monde infini. Représentez-vous dans l'univers comme un grand animal. Que les étoiles qui sont des mondes sont dans ce grand animal comme d'autres grands animaux qui servent réciproquement de monde à d'autres peuples, tels que nous, nos chevaux, etc. Et que nous, à notre tour, sommes aussi des mondes à l'égard de certains animaux encore plus petits, sans comparaison que nous, comme sont certains vers, des poux, des cirons. Que ceux-ci sont la terre d'autres plus imperceptibles. Qu'ainsi, de même que nous paraissons en particulier un grand monde à ce petit peuple, peut-être que notre chair, notre sang, nos esprits ne sont autre chose qu'une tissure de petits animaux qui s'entretiennent, nous prêtent mouvement, parlent leur et se laissent aveuglément conduire à notre volonté qui leur sert de cocher, nous conduisent nous-mêmes et produisent tous ensemble cette action que nous appelons la vie. Je ne vous demande plus rien sur ce sujet. Dites-moi plutôt si sur le Soleil on est aussi préoccupé de cette philosophie atomique qui a cours sur la Lune. Tout administrée par les oiseaux, comme elle l'est, la République du Soleil a bien des côtés qui ressemblent à la Terre. On s'en serait douté. La machine qui sert à Dircona... Oh, j'oubliais que Dircona et Cyrano ne font qu'un. Donc, sa machine... La machine dont il se sert n'est pas banale. Mais, je vous en prie, lisez vous-même. Ce fut une grande boîte fort légère et qui fermait fort juste. Elle était haute de 6 pieds ou... environ, et large de 3 en carré. Cette boîte était trouée par en bas, et par-dessus la voûte qu'il était aussi, je posais un vaisseau de cristal troué de même, fait en globe, mais fort ample, dont le goulot aboutissait justement et s'enchâssait dans le pertuis que j'avais pratiqué au chapiteau. Le vase était construit exprès à plusieurs angles et en forme d'icosaèdre, afin que chaque facette étant convexe et concave, ma boîte produisit l'effet d'un miroir ardent. Voyons un peu plus loin. Quand le soleil débarrassé de nuages commença d'éclairer ma machine, cet icosaèdre transparent qui recevait à travers ses facettes les trésors du soleil en répandait par le bocal la lumière dans ma cellule. Et comme cette splendeur s'affaiblissait à cause des rayons qui ne pouvaient se replier jusqu'à moi sans se rompre beaucoup de fois, cette vigueur de clarté tempérée convertissait ma châsse en un petit ciel de pourpre émaillé d'or. Voyons au fait comment cela marche. J'avais bien prévu que le vide qui surviendrait dans l'icosaèdre à cause des rayons unis du soleil par les vers concaves attirerait pour le remplir une furieuse abondance d'air dont ma boîte serait enlevée et qu'à mesure que je montrais l'horrible vent qui s'engouffrait par le trou ne pourrait s'élever jusqu'à la voûte qu'en pénétrant cette machine avec furie, il ne la poussa qu'en haut. Malgré une telle simplicité, le voyage ne s'effectua pas sans difficulté d'ailleurs merveilleuse. Et la réalité à laquelle Cyrano eut à faire face ne l'était pas moins. À nous de vous en donner quelques exemples. À mon réveil, je me trouvais sous un arbre, en comparaison de qui les plus hauts cèdres ne paraîtraient que de l'herbe. Son tronc était d'or massif, ses rameaux d'argent et ses feuilles d'émeraude, qui, dessus l'éclatante verdeur de leur précieuse superficie, se représentaient comme un miroir les images du fruit qui pendait alentour. Mais, jugez si le fruit devait rien aux feuilles. L'écarlate enflammée d'un gros escarboucle composait la moitié de chacun, et l'autre mettait en suspens si elle tenait sa matière d'une chrysolite ou d'un morceau d'ambre doré. Les fleurs épanouies étaient des roses de diamants fort larges, et les boutons de grosses perles en poire. Un rossignol que son plumage uni rendait beau par excellence, perché tout au coupeau, semblait, avec sa mélodie, vouloir contraindre les yeux de confesser aux oreilles qu'il n'était pas indigne du trône où il était assis. Hélas, sur le soleil comme sur la terre, la beauté et les champs cohabitent avec des pouvoirs et des contraintes. Les oiseaux y sont maîtres, mais il en est de toutes les sortes, et en tout cas l'homme est jugé par eux comme l'ennemi héréditaire. Pauvre Dirkana, quel serait son sort s'il ne se découvrait tout à coup des alliés parmi la gens ailée, notamment sous la forme d'un rossignol, d'une pie et plus tard d'un perroquet auquel jadis sur terre il a rendu service. Il est traduit devant le parlement des oiseaux et manque de peu la mort. Heureusement apparaît le perroquet. On me montra un perroquet qui se mit à rouer et à battre des ailes comme il aperçut que je le considérais. Et il me semble, criai-je au roi, que je l'ai vu quelque part. Mais la peur et la joie ont chez moi tellement embrouillé les espèces que je ne puis encore marquer bien clairement où ça a été. Le perroquet, à ces mots, me vint de ses deux ailes à coller le visage et me dit « Quoi ? Vous ne connaissez plus César ? Le perroquet de votre cousine, à l'occasion de qui vous avez tant de fois soutenu que les oiseaux résonnent. C'est moi qui, tantôt pendant votre procès, ai voulu, après l'audience, déclarer les obligations que je vous ai. Mais la douleur de vous voir en si grand péril m'a fait tomber en pamoison. » Son discours acheva de me dessiller la vue. L'ayant donc reconnu, je l'embrassai et le baisai. Il m'embrassa et me baisa. « Donc, dis-je, est-ce toi, mon pauvre César, à qui j'ouvris la cage pour te rendre la liberté que la tyrannique coutume de notre monde t'avait ôtée ?» Gracié par le roi des oiseaux, Cyrano d'Irkona converse sur des sujets philosophiques avec des oiseaux et des arbres, particulièrement avec un vieux chêne, issu de l'antique forêt de Dodone, et il apprend beaucoup de choses, converse avec d'étranges sages. L'interlocuteur auquel d'Irkona doit de contempler le furieux combat entre le feu et la glace n'est autre qu'un humain, égaré comme lui sur le soleil. C'est Campanella, un philosophe, un libertin, calabrais de naissance, qui se promenait dans la province des arbres et retournait dans celle des philosophes, ces philosophes qui servent à former le sang et les esprits vitaux du soleil. Et les voilà tous deux qui s'entretiennent de main sujet à la gloire de l'esprit, tout en se promenant dans une extraordinaire contrée. Depuis une heure environ que je vous ai quitté, pour ne point troubler votre repos, je me suis toujours promené le long des cinq fontaines qui sortent de l'étang du sommeil. Vous pouvez croire avec combien d'attention je les ai toutes considérées. Elles portent le nom des cinq sens et coulent fort près l'une de l'autre. Celle de la vue semble un tuyau fourchu plein de diamants en poudre et de petits miroirs qui dérobent et restituent les images de tout ce qui se présente. Elle environne de son cours le royaume des lynx. Celle de l'ouïe est pareillement double. Elle tourne en s'insinuant comme un dédale, et l'on voit retentir, au plus creux des concavités de sa couche, un écho de tout le bruit qui résonne alentour. Je suis fort trompé si ce ne sont pas des renards que j'ai vus s'y curer les oreilles. Celle de l'odorat paraît comme les précédentes, qui se divise en deux petits canaux cachés sous une grande voûte. Elle extrait de tout ce qu'elle rencontre je ne sais qui d'invisible, dont elle compose mille sortes d'odeurs qui lui tiennent lieu d'eau. On trouve au bord de cette source force chiens qui s'affinent le nez. Celle du goût, coulent par saillies, lesquelles n'arrivent ordinairement que 3 ou 4 fois par jour. Encore faut-il qu'une grande vanne de corail soit levée, et par-dessous celle-là, quantité d'autres fort petites qui sont d'ivoire. Sa liqueur ressemble à de la salive. Les fontaines se réunissent dans un lac d'où sortent 3 fleuves, celui de la mémoire, celui de l'imagination, celui du jugement. Dans cette campagne symbolique, nous voyons cheminer les 2 compagnons, non loin des 3 fleuves, et la route est agréable, quoique solitaire. On y respire un air libre et subtil qui nourrit l'âme et lui assure de régner sur les passions. C'est alors que Dircona et Campanella assistent aux souffrances d'un vieillard en proie à une grande crise. Campanella tire son compagnon par le bras. L'assistance que nous croirions donner à ce moribond serait inutile. L'enflure de sa tête provient d'avoir trop exercé son esprit, car, encore que les espèces dont il a rempli les 3 organes ou les 3 ventricules de son cerveau soient des images fort petites, elles sont corporelles et capables par conséquent de remplir un grand lieu quand elles sont fort nombreuses. Or, vous saurez que ce philosophe a tellement grossi sa cervelle à force d'entasser image sur image que, ne les pouvant plus contenir, elle s'est éclatée. Cette façon de mourir est celle des grands génies, et cela s'appelle crever d'esprit. Voilà qui est bien dit en ce qui concerne les philosophes à grosse tête, et Cyrano les traite avec humour. Il sait lui-même s'arrêter à temps, car en somme, il aime assez discourir. Sans doute, mais il mêle à ses discours assez de sel pour que toujours pétille la flamme. Cyrano de Bergerac est un de ces hommes que l'on voit apparaître à certains moments en France et qui empêche l'esprit de succomber sous la tyrannie des doctrines préétablies. Il s'en prend à tout ce qui opprime et oppresse, à toutes les fausses certitudes, à toutes les fausses vertus. Et son arme est le bon sens de la simple raison, toujours prête à rire d'elle-même. Cela se rencontre tout au long de ses états et empires de la lune et du soleil, mais aussi dans la plupart de ses lettres, qu'il n'a jamais écrites que pour mettre en valeur la pointe de quelque idée. Dans sa lettre contre les sorciers, il écrit, entre autres, « Ni le nom d'Aristote, plus savant que moi, ni celui de Platon, ni celui de Socrate, ne me persuadent point si mon jugement n'est convaincu par raison de ce qu'ils disent. La raison seule est ma reine, à qui je donne volontairement les mains. Et puis, je sais par expérience que les esprits les plus sublimes ont chopé le plus lourdement. Comme ils tombent de plus haut, ils font de plus grandes chutes. Enfin, nos pères se sont trompés jadis, leurs neveux se trompent maintenant, les nôtres se tromperont quelque jour. N'embrassons donc point une opinion à cause que beaucoup la tiennent ou parce que c'est la pensée d'un grand philosophe, mais seulement à cause que nous voyons plus d'apparence qu'il soit ainsi que d'être autrement. Pour moi, je me moque des pédants, qui n'ont point de plus forts arguments pour prouver ce qu'ils disent, sinon d'alléguer que c'est une maxime, comme si leur maxime était bien plus certaine que leurs autres propositions. Voilà qui est ferme et net. Il est très nécessaire que de temps à autre une voix prononce de telles paroles. Écoutez encore. Il est aisé de prouver tout ce que l'on veut, quand on ajuste les principaux opinions et non plus les opinions aux principes. Outre cela, quand il serait juste de déférer à l'autorité de ces grands hommes, et quand je serais contraint d'avouer que les premiers philosophes ont établi ces principes, je les forcerais bien d'avouer à leur tour que ces anciens-là, non plus que nous, n'ont pas toujours écrit ce qu'ils ont cru. Souvent, les lois et la religion de leur pays les ont contraints d'accommoder leurs préceptes à l'intérêt et aux besoins de la politique. C'est pourquoi on ne doit croire d'un homme que ce qui est humain, c'est-à-dire possible et ordinaire. Je comprends après cela qu'il ne faille pas s'étonner si en ce siècle où tout venait de la cour, des grands et de l'Église, les lauriers de la gloire de Cyrano aient eu du mal à pousser. D'autant plus que désertant les plus belles fleurs de la philosophie et du langage, il s'en est pris nommément à Mazarin et à ses gens. Ce n'est pas la première fois qu'on a vu un poète faire de la politique. C'est beaucoup dire. Il a joué avec des marionnettes qui étaient les puissants du jour. Il a écrit des pamphlets et il n'est pas certain qu'il ne les ait pas écrits simplement pour le plaisir d'écrire, d'attaquer, de faire des mots, de pousser des pointes, suivant la mode de l'époque qu'il a bien contribué à lancer. Voulez-vous quelques strophes d'une de ses mazarinades ? Le ministre d'État flambé, écrite en vers burlesque, comme il dit lui-même. Certes, si nous devons en sourire. Ça comporte 56 strophes, plus une épitaphe. Une vraie œuvre de Gastier des environs du Pont-Neuf, fréquentée par les gens de plume et de parole, ce que nous appellerions aujourd'hui des reporters, des journalistes. Et voici quelques couplets de la diatribe. Il faut bien qu'un chien de lutin me mette la puce à l'oreille de prôner dessus le destin d'un homme qui fait le mutin, qui se saoule d'une bouteille, qui ne sait ni grec ni latin et qui n'est propre qu'à Marseille. Page, vite, ôte-moi mon pot, il me servira d'écritoire. Mais pour bien barbouiller ce sceau, non pas en style de Marot, mais en style bouffi de gloire, et pour le peindre en Astaro, cherche de l'encre la plus noire. Ah ah, je vous tiens, Mazarin, esprit malin de notre France, qui pour obséder son destin, faites le soir et le matin main basse, dessus sa pitance. À ce coup, vous serez très fin si vous évitez la potence. Levez les yeux, regardez-moi, et n'usez d'aucun artifice. Vous avez faussé votre foi, vous avez enlevé le roi, vous avez trahi la justice, et vous avez fait, sans la loi, enchérir jusqu'au pain d'épices. Je vois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est où vous êtes trop savant, cardinal à courte prière. Pria, pêchez-vous à tout vent. Vous tranchez des deux biens souvent comme un franc couteau de tripière. Et ne laissez point le devant sans escamoter le derrière. Des clergeons, par vous caressés, vous ont tenu lieu de coquette. À 100 pages intéressées que vos confidents ont dressées, vous avez compté des sornettes. Et vous ne les avez laissées ni main pure, ni grègue nette. Vous vous êtes servi d'un sort pour chiffonner fesses et mottes, pour en chasser de dans un fort le généreux duc de Beaufort, pour faire des sots et des sottes, et pour vous asservir d'abord et les caleçons et les cottes. Si ce sont là des allusions, elles sont claires. Jamais siècle n'a découvert de plus grands abatteurs de quilles. Par eux, tout passage est ouvert. Priape, comme Jean de Verre, prend sans quartier garçons et filles, et le grand diable de Vauvert aurait moins omni de famille. Voilà le fruit de vos leçons que pratiquent vos bons apôtres, par qui l'on voit en cent façons danser arnois et caleçons avec nos dames et les vôtres, et par qui filles et garçons s'enfilent comme pattes nôtres. Voilà pour la morale et les mœurs. Passons maintenant à l'économie. Par vous, pernicieux agents, nos chevaux jeûnent à la crèche. Vous avez volé notre argent. Il n'est endroit où le sergent n'ait fait quelque mortelle brèche. Et par vous, le peuple indigent ne sait de quel bois faire flèche. Les impôts ont flux et reflux sur nos précieuses tavernes. Et par vos injustes refus, vous avez rendu si confus tous les officiers subalternes que ces pauvres gens ne vont plus que la nuit. Comme des lanternes. Un prince en vain vous demanda du secours pour la Catalogne. Et le siège de Lérida, qui nous fit chanter des ouïdas d'une folle et piteuse trogne, fit voir que l'argent n'aborde qu'au port de l'hôtel de Bourgogne. Affaire de partout et de toujours. Rien ne change sous aucun ciel, en aucun temps. Cependant, Cyrano cessa brusquement d'intervenir dans la vie publique de son temps. Il avait du mal à assurer son existence. Il souffrait dans son corps. Il était las de mener une vie médiocre, sans aide, sans protection. Que restait-il de l'ancienne force de sa vie? À quoi avait abouti son goût de l'action physique? Écrivain, qu'avait-il retiré de ses œuvres? Alors que tous autour de lui recevaient des subsides de quelques nobles mécènes, il restait là et tirant le diable par la queue. La liberté et l'indépendance se payent cher. Ne le savait-il pas? Sans doute, mais un jour vient où les blessures que vous a faites la société sont trop cruelles, ou bien on a vieilli, on souffre dans sa chair, alors que tant d'autres qui vous entourent sont riches et heureux. Ce jour-là, point à rien. On accepterait d'adorer ce qu'on a brûlé. On aliénerait volontiers son indépendance. C'est bien cela que vous nous préparez. Vous voulez dire que Cyrano s'est donné un maître? Un maître, c'est beaucoup dire pour un homme comme lui. Il avait écrit une comédie, Le Pédant joué, et il y bafouait de belle manière le directeur du collège où il avait fait ses études. La pièce n'avait jamais été représentée. Puis ses lettres, diverses, amoureuses, satiriques, dont nous avons parlé. Puis une tragédie, la mort d'Agrippine, et il venait d'achever, depuis un certain temps, son autre monde, ce voyage dans la lune et dans le soleil, et tout cela lui restait pour compte. Il commença par offrir les lettres, puis la tragédie, en hommage à un homme valeureux, un honnête homme de l'époque, un peu borné, il est vrai, le duc d'Arpajon. Celui-ci fut flatté de l'hommage et accepta de compter notre Cyrano parmi ses gens. La mort d'Agrippine fut jouée à l'hôtel de Bourgogne. C'était un modèle d'art baroque, et chaque verre avait sa pointe et son retentissement. Hélas, la renommée de Cyrano incitait à trouver en le moindre de ses propos d'une attaque contre les puissances les plus respectables, et aussitôt on découvrit dans la tragédie des causes de scandale. Une phrase, surtout, le fit accuser de sacrilège. « Frappons, voilà l'hostie et le temps presse ». Le bon public oublia que le vrai sens du mot « hostie » est celui de « victime », ainsi que cela se peut entendre dans Corneille. En tout cas, les choses se passèrent mal, et le duc d'Arpajon fit comprendre que la présence de cet impie chez lui ne pouvait que lui être désagréable. Mais c'est le destin qui intervint à son tour de façon décisive. En rentrant chez lui, ou plutôt chez le duc, le pauvre Cyrano reçut une poutre sur la tête, et il manqua d'en mourir. Ou plutôt, il en mourut réellement, mais quelque temps après. Alors que sa famille, il avait une sœur qui était prieure des filles de la Croix, et ses amis s'arrangeaient pour que désormais il restât dans ce qu'ils appelaient le droit chemin. Des manuscrits disparurent. Lebret s'occupa de ceux qui restaient après que certains passages anti-religieux eurent été supprimés. Enfin, on sauvait l'âme du libertin alors que son pauvre corps, épuisé par 36 années de vie bien occupée, perdait ses dernières forces et son dernier souffle. Tout ceci est fort triste et j'en suis ému. En vérité, oui, qu'est-ce donc un homme? Oui, que reste-t-il de ses idées, de son œuvre, de sa vie? Cependant, le souvenir en demeure. Nous sommes là à parler de cet esprit brillant, éperdu de vie, d'action, de savoir et de rêve. Vous avez raison. Et écoutez donc encore ce passage du voyage dans les états et empires du soleil. Il y a question de ce que devient l'être qui a été un vivant. Campanella et d'Ircona devisent en marchant du côté des trois rivières. Or, selon que les atomes ont plus ou moins trempé dedans l'humeur de ces trois fleuves, ils apportent aux animaux plus ou moins de mémoire, d'imagination ou de jugement, et selon que dans les trois fleuves, ils ont plus ou moins contracté de la liqueur des Saint-Fontaines et de celle du petit lac, ils leur élaborent des sens plus ou moins parfaits et produisent des âmes plus ou moins endormies. Ainsi, la pensée de Cyrano peut errer dans ces contrées poétiques, mais jamais métaphysiques où l'esprit est la proie des vertiges du néant. En lui, c'est toujours un homme qui parle, qui pose des questions, qui trouve des réponses étincelantes ou fantaisistes. À sa suite, nous pouvons nous demander, sans tous ces êtres vivants devenus morts, qui ont nourri le cours du savoir à travers les générations, que serait la vie de ce temps, si fière d'elle-même? Il est vrai, que serait la vie? Mais ne pouvons-nous pas dire, aujourd'hui comme hier, comme demain, simplement, qu'est-ce que la vie? Cyrano de Bergerac questionne qu'est la lune ou le soleil pour la terre, qu'est la terre pour la lune ou le soleil, mais cela revient à dire qu'est dans le monde pour le monde. Telle est la question. Il n'y a que les poètes pour y répondre. La radiodiffusion française vient de vous présenter Cyrano de Bergerac, une émission de Georges Ribemont de Seigne, avec le concours de François Darbon, Jacques Mancier, Jean Topard et Nelly Delmas. Prise de son, Pierre Planès, assistant René Raymond, réalisation Georges Gravier. Thank you.